Radiomatique. Thank you. amorcer la transmission 467 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe américain The Twilight Singers, mené par Greg Dulli, le chanteur de la formation The Afghan Whigs, du premier album de The Twilight Singers, intitulé Twilight as Played by the Twilight Singers, paru en 2000, nous avons fait jouer la pièce Verti Marthe. Et Audiomatique se poursuit sans attendre sur la musique de Muslim Gaz. Thank you. future. Oh, I think the future. In the shadow of flames, when all engines end their existence, suspense in the grip of suspense. Locations, reach out, get lost in locations. Redirect explanation. Suspense in the grip of suspense. Solutions, reach out, get across, find solutions, redirect expectations. Suspense in the grip of suspense. Ambitious is the first thought. To imagine a timeline opening up to be swept always in love. Always in love's first tide to be wholly open. Floating the current, even as beams of light cut the air. Pitting surfaces with complication. Until parts of your craft break open in sync. Suspense in the grip of suspense. venons d'écouter la musique du groupe mené par le batteur sud-africain Asher Gametz de son premier album intitulé Dialectic Soul, paru en 2020. Nous vous présentions la pièce de Speculative Fourth, sur laquelle on peut également entendre la chanteuse Nono Nkoane. Avant Asher Gametz, nous entendions la collaboration entre les artistes Damon Lux et Rob Mazurek, qui se matérialise sur l'album New Future City Radio, paru un peu plus tôt cette année. De cet album, nous avons choisi de diffuser la pièce Suspense in the Grip of Suspense. Et on amorçait la séquence sur la musique du projet Muslim Gods, qui fut mené par le défunt artiste britannique Bryn Jones. De l'album Fakir Sindh, nous écoutions la pièce Fakir of Gwalior. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais Esben and the Witch. s'agissait à Audiomatic de la formation anglaise Esben and the Witch, de son quatrième album Older Terrors, lancé en 2016. Nous vous avons présenté la pièce Sylvan. La suite d'Audiomatic s'amorce sur la musique de la formation The Knife. Come your hair with my beat. If I was her. Audiomatique, c'était le projet Plastic Noise Experience et sa pièce Monotone Synchrone, tirée de l'album Maschinen Musik, paru en 2004. Avant Plastic Noise Experience, nous entendions le projet 32 Crash, regroupant Len Lemire et Jan Doug du groupe Implant, ainsi que Jean-Luc Demeyer de Front 242. La pièce que nous avons écoutée s'intitule www.hide, ou plutôt Where Will We Hide, et apparaît sur le premier album Weird News from an Uncertain Future, paru en 2007. Et on amorçait la séquence avec le groupe suédois The Knife et la pièce Bird, tirée du premier album homonyme, paru en 2001. En conclusion de cette transmission 467 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste américain Sufjan Stevens, de son 10e album Javelin, qui est sorti le 6 octobre 2023. Nous entendrons la pièce Shit Talk. La transmission 468 d'Audiomatique prendra forme mercredi prochain dès 17h, alors que les sonoristes se retrouveront dans le studio de la radio trifluvienne CFOU 89.1 FM pour imposer leurs choix musicaux à qui veut bien s'y soumettre. Il sera ensuite possible de vivre ou de répéter l'expérience dans les environnements numériques où sont archivées toutes les transmissions d'Audiomatique. Une des portes d'entrée pour y accéder se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Sufjan Stevens et la pièce Shit Talk. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Hold me tightly, lest I fall.